En Corée, l'agence de technique cinématographique de Pyongyang est en cours de reproduire en couleur le film fleuve Héros inconnu, 20 parties, qui était en noir et blanc. Le film montre les exploits des héros qui ont œuvré à l'arrière ennemi et contribué à la victoire dans la guerre de libération de la patrie de juin 1950 au mois de juillet 1953. Il a été mis en scène de la fin des années 1970 au début des années 1980. Les 6 premières parties du film sont mises en couleur jusqu'à présent. L'agence de technique a exploité elle-même le programme permettant d'améliorer l'harmonie des couleurs des séquences et d'accélérer la vitesse de coloration.